نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الكريم شو avec les frères présents؟ حياكم الله وبارك فيكم. Vous entendez tous bien؟ Le frère Abdel Karim, c'est un étudiant à Riyad, Inch'Allah. Puis il va nous faire le plaisir, Inch'Allah, de nous donner une conférence sur, sur la mahabba entre frères et les choses qui vont avec, Inch'Allah. Donc, Abdel Karim, les frères, ils t'entendent tous. Là, on est chez le frère, on t'entend très bien, Inch'Allah. Tu peux commencer quand tu veux, Inch'Allah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في بداية هذا اللقاء أتوجه إلى الله عز وجل بالشكر على أن منّ بهذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ثم أشكر لكم وللإخوة القائمين على هذا اللقاء أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يبارك في الجميع وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين إنه جل وعلا سميع قريب. Je salue mes frères en islam et en remerciant Allah Azza wa Jal pour sa faveur et sa grâce en permettant cette rencontre par téléphone avec mes frères de la ville de Annas. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il bénisse cette rencontre pour qu'elle soit bénéfique à nous tous et qu'elle nous rapproche de ce qu'Allah agrée, éliminant les causes de la corruption et du malheur. Ensuite, je remercie aussi les responsables pour leur bonne pensée vers moi et cet appel qui est permis de vous rencontrer. Et je demande à Allah Azza wa Jal de les rétribuer pour leur travail. Et qu'il fasse de nous tous des gens bien guidés et qu'il nous accorde, subhanahu wa ta'ala, tous le succès pour faire éclater la vérité et réfuter ce qui est vain et futile. Et également d'apporter quelques paroles courtes et bénéfiques de nos savants sur un thème très important que vous m'avez demandé et qui se rapporte à l'importance du bon comportement ainsi que la fraternité en islam. Je parlerai en français pour plusieurs raisons parmi celles-ci. C'est que le temps est court. Le fait de faire en arabe et ensuite de traduire en français, ça prendra beaucoup de temps. Non. Le bon comportement et la fraternité en islam, ils sont parmi les moyens les plus importants pour se rapprocher d'Allah. Et parmi les meilleurs actes. Le bon comportement, il fait partie des caractéristiques des prophètes, des messagers d'Allah Azza wa Jal et de toute personne pieuse suivant la voie qu'ils ont empruntée. Alayhim as-salatu wassalam. Et la taqwa, la crainte d'Allah qu'une personne doit posséder, elle ne sera point complète sans le bon comportement. Malheureusement, beaucoup de nos frères, ils minimisent l'importance du bon comportement alors que notre religion n'a cessé de recommander le bon caractère. Les versets, les hadiths et les hadiths sur ce thème, ils sont très nombreux. dans le Coran et la Sunna les preuves sur ce thème-là, mais on en citera quelques, on citera quelques versets, quelques hadiths comme rappel pour nos personnes. Il y a d'autres. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans son livre, Subhanahu wa Ta'ala, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل ينودي dans sourate Ali Imran, en traduction relative approchée de ce verset, de tout verset qu'on citera, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, et qui domine, qui refoule leur rage, leur colère, et pardonne à autrui. Allah aime les bienfaisants. Allah nous informe dans ce noble verset que parmi les nombreuses qualités des bienfaisants, il y a le fait qu'ils refoulent leur colère et qui pardonne aux gens. Et c'est pour cette raison qu'Allah les aime. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Et comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a couvert d'éloges son messager, alayhi salatu wassalam, pour son bon comportement. Comme présent dans Surat al-Qalam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. Et dans ce hadith-là, que je vous cite, qui est rapporté par Tirmidhi, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus de gens au paradis. Et il a répondu, taqwallah, la crainte d'Allah et le bon comportement. Taqwallah wa husnul khuluq, et le bon comportement. Et il a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus de gens dans le feu, en enfer, et il a répondu, alayhi salatu wassalam, la bouche et le sexe. Wa an Aisha radiyallahu anha qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal mu'min la yudriku bi husni khulqi darajatu as-sa'im al-qa'im. Et dans un autre hadith, Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le croyant, il atteint par son bon comportement le niveau de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Ça, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, et dont Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a authentifié dans Sahih al-Targhib. Et des hadiths, on peut en citer d'autres hadiths, comme le hadith d'Abi Darda, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, ma min shay'in adhqalu fil mizani min husni al-khuluq. Ma min shay'in adhqalu fil mizani min husni al-khuluq. Dans ce hadith-là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance, le jour du jugement, que le bon comportement. Mais également, d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: innama bu'ithtu li utammima makarimi l'akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Également, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fils d'Adam, il ne pratique pas d'œuvre qui soit meilleure que la salat, as-salat, également le fait de réconcilier les gens et le bon comportement. Ces hadiths que je vous ai cités sont aussi authentifiés par Cheikh al-Albani, que ce soit dans Silsilat al-Ahadith, al-Sahih al-Jami'. Également, un autre hadith qu'on citera également, le hadith d'Abdillah ibn Mas'ud, Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qal, Man kana hayyinan, layyinan, sahlan, qariban, harramahu Allahu ala an-nar. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est facile à vivre, qui est calme, qui est doux, Allah l'interdit à l'enfer. Celui qui est facile à vivre, qui est calme, qui est doux, Allah l'interdit à l'enfer. Au hadith, également, le hadith d'Usama ibn Shariq, radiyallahu anhu, il dit, « Shahidtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa l'arabu yas'alouna, qalu ya Rasulallah, ma khayru ma u'atiya l'insan, qala khuluqun hasan. » وفي رواية قالوا فمن أحب عباد الله إلى الله قال أحسنهم خلقا. كما rapporté par ce compagnon Usama ibn Shariq رضي الله عنه qui a dit j'étais présent et j'ai témoigné avoir vu des bédouins questionner le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Ils diront au messager d'Allah, quelle est la meilleure chose qui a été donnée à une personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre le bon comportement. Et dans une autre version du hadith, il dit qui sont les serviteurs d'Allah les plus aimés auprès d'Allah. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se comportent le mieux. C'est tous ces versets et ces hadiths qui me viennent à l'esprit. Qu'on vient de citer, et on peut en citer d'autres, tellement ils sont nombreux, ils nous prouvent la place du bon comportement dans notre religion bénie. Mais tout ce qu'on vient de citer, ça implique une chose qui est très importante. Et on profitera de citer cette chose qui est très importante, c'est d'être sincère mutuellement. Et s'entraider dans le bien et la piété. S'enjoindre mutuellement la vérité. Celle pour laquelle Allah Azza wa Jal a loué ces gens et a informé que ce sont eux qui réussiront dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. كما في سورة المائدة الله عز وجل دي entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Également الله عز وجل دي والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah Azza wa Jal nous dit dans cette grande sourate, grande dans son mérite et dans sa compréhension, il dit par le temps, l'homme il est certes en perdition, sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le premier verset qu'on a cité avant cette sourate, qui est le verset de sourate Al-Ma'idah, où Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut s'entraider dans le bien et la piété. Le fait de s'entraider dans le bien et dans la piété, ce qui fait partie de cela, le fait de se conseiller, le conseil et l'orientation vers le bien. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيت دابلو بيان دانتردير لو مال وبر الوالدين لو بون كومبورتمون انفير لي بارون ainsi que tout ce qui profite à l'homme, à l'être humain, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il a interdit de s'entraider dans le péché, la transgression, et il fait partie de cela, de s'entraider dans tout ce qui provoque la colère d'Allah, Azza wa Jal, comme le fait de s'entraider dans les péchés, tels que la médisance, la calomnie, ou bien être injuste envers les gens. Donc il est pas permis aux musulmans, ni à la musulmane, d'aider une personne dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et il convient aux croyants et à la croyante de ne pas retarder l'entraide dans le bien de la piété. Et Allah Azza wa Jal, il nous a informé dans la Sourate Al-Asr, le temps, que parmi les qualités des gens qui réussissent dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, des gens heureux, il y a quoi? La foi, l'iman, l'amal salih, les bonnes œuvres, tawasib al-haq, tawasib al-sabr, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement l'endurance. Et ceci, mes frères, hafidhakum Allah, ce sont les caractéristiques des gens victorieux dans cette vie d'ici-bas. Et puis l'akhirah. Les caractéristiques des gens qui sont heureux, qui vivent une vie heureuse, croire en Allah et en son messager, alayhi salatu wasalam, d'une foi véridique, sincère. Et ensuite d'accomplir les bonnes œuvres. Et ça, c'est quoi? C'est le fruit de la foi. C'est d'exécuter les ordres d'Allah et de s'abstenir des interdits d'Allah. Et de s'empresser tous ensemble dans l'accomplissement du bien et de multiplier les œuvres qui font rapprocher d'Allah. Et parmi ces œuvres, comme cet entretien téléphonique avec vous, barakallah fikum, qui fait partie des œuvres qui nous font rapprocher d'Allah. Et le troisième ordre qui est cité dans cette sourate, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité, ça fait partie de cela, le fait de se conseiller. De se conseiller et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Également toutes les œuvres de bien. Le quatrième ordre, c'est s'enjoindre l'endurance. Wallah, les choses, les affaires importantes ne s'acquièrent que par Allah, ensuite par l'endurance. Thumma al-sabr. Ensuite par l'endurance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans cette sourate au sujet des qualités des gens victorieux qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Enfin, ces quatre principes, barakallah fikum, ils sont les causes qui mènent au bonheur et à la victoire. Et si ces principes ils sont réunis dans une communauté, dans une société, alors cette société deviendra une société saine, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Toute société dans laquelle ces quatre éléments qu'on a cités, ils sont réunis, la foi en véridique en Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam, une foi qui comporte le tawhid, le monothéisme, une foi sincère en Allah azza wa jal, et qui comporte la foi à l'ensemble des messagers, alayhi salatu wassalam, et également l'accomplissement des bonnes œuvres qui consiste à appliquer quoi? Les obligations et à délaisser les interdictions. Et comporte le troisième principe, le fait de s'enjoindre, comme on a dit, s'enjoindre mutuellement la vérité et de s'entraider tous ensemble. Ah, le conseil que les savants nous donnent, c'est de prendre en considération ces bases et de les préserver. Surtout à cette époque où se sont multipliés les fitnes. Les problèmes que vous connaissez dont vous ne connaissez pas les prochains problèmes, les prochains maux qui arriveront les années futures. Et comme vous le savez, l'ignorance des fondements de la religion prédomine aujourd'hui. Des bases de la religion prédominent et la science a diminué. l'époque où l'on vit actuellement, dont l'État n'échappe à personne, est remplie d'égarements, de bidar, d'innovation et de beaucoup de causes de malheur. Enfin, le croyant et les croyantes, ils sont dans le plus grand besoin de s'unir tous ensemble, de s'enjoindre à la vérité, se conseiller, s'entraider dans le bien, l'endurance à Allah. Les sonnets sont combattus de tous les côtés. Enfin, le musulman, la musulmane, chacun d'entre eux a besoin d'être conseillé, ou bien de conseiller son prochain, et de s'entraider dans le bien, et être unis, fraternis, sur un seul manhaj, sur une seule aqid. Le croyant, il conseille son frère, s'il voit en lui négligence. De même, la croyante, elle conseille sa sœur en Allah, son mari, son père, son fils, sa sœur, sa grand-mère, sa mère, etc. Ça ne suffit pas d'exprimer la foi seulement par les mots, avec la langue. Mais tout cela doit être accompagné par la pratique du cœur et du corps. Mais également, toutes les causes que l'on vient de citer et qui mènent au bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ils doivent être faites sincèrement pour Allah. Wallah, ils ne recherchent ni le prestige, ni la renommée, ni les éloges, ni les compliments des gens. Mais appliquent toutes ces choses-là en recherchant le visage d'Allah, Azza wa Jal. Les gens, ils seront dans le bien tant qu'ils se conseillent. Mutuellement, ils s'enjoignent mutuellement à la vérité. Parce que si les gens, ils deviennent négligents et ils ne se sentent pas concernés par tout ce qu'on a cité là, alors apparaîtront les choses blâmables entre eux. Tout le mal. Et le bien, il va diminuer et l'ignominie et les abaissements propageront entre eux. Et le fait aussi de donner de bons conseils à ses frères musulmans partout, que ce soit dans une réunion privée ou publique, quand il voit le mal, il doit le condamner. S'il voit une négligence, il doit tenir de bons conseils. Si tu vois ton frère qui est négligent dans certaines choses, tu lui fais un rappel entre lui et toi. Un croyant, il doit conseiller, il doit recommander le bien et mettre en garde contre le mal. Hada Jarir ibn Abdallah al-Bajli, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, il rapporte, comme c'est présent dans le Bukhari ou Muslim, le Bukhari fi Bab al-Zakat, ou dans Muslim Bab al-Iman, il dit: je me suis engagé envers le prophète, alayhi salatu wassalam, à faire la prière, à m'acquitter de la zakat et à donner de bons conseils à tout musulman. Et cela comme Allah Azza wa Jal nous l'a commandé. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله عز وجل nous dit dans sourate At-Tawba, les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, le convenable, ils interdisent le mal, le blâmable. Ils accomplissent la salat, la prière, et ils s'acquittent de quoi? De la zakat. Et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Oulaika sayarhamuhum Allah. Inna Allah azizun hakim. Et Allah est puissant et sage. Ça ne suffit pas qu'on lise des versets et des hadiths. Ce qui est demandé, c'est de lire, de comprendre ce qu'on est en train de lire et qu'on puisse appliquer. Car comment veux-tu appliquer une chose que tu ignores? Et ici, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans ce verset de Surat At-Tawba, les croyants et croyantes sont tous alliés les uns aux autres. Les vrais croyants se pardonnent, ils se donnent de bons conseils, ils sympathisent les uns avec les autres, ils commandent le bien, ils interdisent le blâmable, ils guident leur famille, leurs frères, leurs voisins. Avec quoi? Avec la bonté. Celui qui triche avec son frère, ou qui lui ment, ou qui l'opprime, ou qui l'agresse, il aura trahi la fraternité de la foi. Il aura désobéi à Allah Azza wa Jal, à son Seigneur. Et la bonté, et le fait d'appeler au bien, ça fait partie aussi des meilleurs actes dans l'islam. Le fait d'appeler à la religion d'Allah, Tawhid, bil-ilm, bil-basira. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans Surat Fussilat. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, qui fait bonne œuvre et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Chacun d'entre nous, mes frères, barakallahu fikum, doit faire son travail honnêtement. Selon ses capacités et ses possibilités. Le croyant, il doit faire son travail honnêtement. Il ne doit pas favoriser une personne au détriment d'une autre, ni retarder certaines personnes et donner la priorité à d'autres. Chaque mari, chaque frère qui sont mariés, il doit donner de bons conseils à sa femme. Il doit lui enseigner ce qui est bénéfique pour elle, ce qui va la guider, en étant gentil, doux, joyeux, souriant avec elle. La même chose, elle s'applique à la femme envers son mari. Elle doit avoir un bon caractère avec lui en lui donnant de bons conseils, de bonnes paroles, en étant très patient. Le fait d'appeler au bien tous ensemble, le fait de s'asseoir, le fait de s'asseoir avec les gens pieux, avec les gens qui te rappellent Allah Azza wa Jal. Tout ceci sont des causes qui amènent à cette fraternité au bon comportement, le fait d'avoir une bonne compagnie. Et comme on l'a dit, le fait aussi d'appeler Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nahl, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Également dans Surat Yusuf, Allah Azza wa Jalla dit « Qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah ala basira, ana wa man ittaba'ani, wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. » Dis « Voici ma voix. » J'appelle les gens à quoi? À la religion d'Allah, Tawhid. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Chacun d'entre nous doit appeler Allah Azza wa Jalla en fonction de ses connaissances et ses capacités. Il n'est permis à personne de parler au sujet d'Allah sans aucune connaissance. Et tout ce qu'on a cité comme base, comme fondement, comme cause, qui amène au bon comportement et à la mahabba, à l'amour entre frères, tout ça, les savants ont écrit des livres. On fait le fait de qu'on parle comme ça, comme rappel, mais ça, le fait de parler sur un thème comme ça, on a besoin de plusieurs heures. Et beaucoup de savants ont donné de l'importance à cette chose-là, le fait d'avoir un bon comportement et aussi à la fraternité en islam. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى il disait que le véritable frère, c'est celui qui t'expose le chemin qui te sauvera du châtiment de l'enfer jusqu'à que tu le prennes, ce chemin-là, jusqu'à que tu le prennes. Et le véritable frère, c'est celui qui va te mettre en garde contre le chemin de la perdition jusqu'à que tu l'évites. Et il est celui qui va te conseiller, qui te conseille, qui te rappelle de l'au-delà, qui te rappelle de l'akhira, et te prévient en cas d'erreur, et t'appelle à Allah. Et As-Salaf al-Salih, rahimahumullah, les pieux prédécesseurs, il disait que celui qui t'a conseillé, il t'a certes aimé, et que celui qui te flatte, t'a certes trompé. Wallah natharuk al-mujamalat ya ikhwa. Chacun conseille selon ses connaissances, ses capacités. Conseille son prochain. Et parmi les bonnes manières, le fait de ne ne pas rentrer dans ce que l'on ne peut réparer. Et aussi ce qui ne nous regarde pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Min husni islam il mar'i tarku ma la ya'ni » comme bon islam de la personne, de ne pas s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Et comme on l'a cité, comme on a cité des versets sur le fait de prêcher, prends garde également de prêcher alors que tu es ignorant ou le fait de parler de ce que tu ne connais pas. L'ignorant, il détruit, il ne construit pas, il corrompt, il n'améliore rien. Il faut faire attention à ne pas mettre les gens dans la gêne, de ne pas les faire fuir la religion, de ne pas les faire fuir à cause de la sévérité qui n'a pas lieu d'être dans certains cas. Ou bien de l'ignorance ou des manières brutales. On en a vu des frères, wallah, et ils ont été nuisibles et dommageables. Enfin, à toi, cher frère, barakallahu fik, wa waffaqakallah li kulli khair, d'être bienfaisant et patient. Souple dans ta conduite, doux avec, dans les paroles, jusqu'à que tu touches le cœur de ton frère, de celui qui t'écoute, jusqu'à que tu attendrisses le cœur de celui que tu prêches, jusqu'à qu'il se familiarise avec ton appel, qu'il se montre un conciliant, qu'il soit touché sur ce que tu es en train de lui dire, touché par celui-ci. Par contre, en ce qui concerne la dureté, wallahi, la dureté, elle est repoussante, elle n'est pas attirante. Elle divise, elle ne rassemble pas. Et ça, on en a vu des frères qui ont été durs lorsqu'il ne fallait pas l'être. Et le grand savant Ibn Baz, rahimahullah, il disait qu'on est dans une époque où les gens ont besoin de douceur. Où les gens, ils ont besoin de douceur. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes personnels. Ils ont des problèmes avec leur famille, des problèmes avec... Lorsqu'ils viennent dans la mosquée, ils veulent écouter des paroles qui leur soient profitables, des rappels. Ou bien que ce soit même en dehors de la mosquée. Et la bonne manière qu'on a citée, cette bonne manière-là, elle fait partie de la foi. Et le bon comportement de l'islam. Et les deux, ils font partie des qualités recommandées pour chaque musulman. Allah Azza wa Jal, il déteste celui qui est grossier, qui est dissolu, qui se comporte mal et qui ne sait pas se contenir. Le musulman, il doit employer la douceur lorsqu'il a besoin et la dureté lorsque cela est nécessaire. Ça fait partie de la hikmah. Comme on l'a dit, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-jahil, la yastati an yad'u bil hikmah. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse. Sagesse, c'est-à-dire d'utiliser la douceur lorsqu'il y a besoin et la dureté lorsque cela est nécessaire. Mais l'ignorant qui n'apprend pas sa religion, comment veux-tu qu'il appelle à la douceur lorsqu'il y a besoin et à la dureté lorsque cela est nécessaire? C'est pour ça qu'il est très important d'apprendre les fondements, les bases de cette religion. Petit à petit, chacun selon sa capacité et sa possibilité. Le musulman, il est doux, il a un bon comportement. Il ne va pas employer la dureté qu'en cas de nécessité, on a dit. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans Surat Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah Azza wa Jalla a dit, c'est par quelque miséricorde de ta part d'Allah que tu, yani, oh Muhammad, alayhi salatu wassalam, que tu as été si doux envers eux. Tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos de tes affaires. À propos des affaires. À l'injuste, par exemple, qui repousse le prêche avec méchanceté, il a de l'entêtement, il fait du tort, il obéit à un autre jugement, il se place parmi les oppresseurs. Avec une personne comme ça, passe de la douceur à la sévérité. Avec ses, comme la règle d'Allah, Azza wa Jal, « وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ » Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et Allah Azza wa Jal dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » Il dit d'avoir de bonnes paroles avec les gens. Ayez de bonnes paroles avec les gens. le musulman, le croyant, il doit discuter avec eux avec les bonnes paroles. Sauf si, s'il voit que la personne est loin de la vérité, il tente d'induire en erreur, tout en rejetant la vérité, lorsqu'elle elle lui est parvenue. Là, il peut la réprimer, il peut la prévenir des conséquences de son mauvais acte. Il y a des problèmes également entre frères. Et la plupart des problèmes qui sont présents entre les frères, ils sont dus à l'ignorance des bases et des fondements de la religion. Ou bien, et ça c'est encore pire, le fait de savoir ses bases et ses fondements dans la religion, mais de les négliger. Et si tous les frères s'accrochaient à une seule aqid, à un seul manhaj, à une seule voie, tout en se conseillant, en étant patient face à son frère, Wallah, on a chacun d'entre nous a des défauts. Comme ton frère patiente face à tes défauts, patiente toi face aux défauts de ton frère. Parmi les causes du bon comportement, كما تدعو الله أن يرزقك الرزق الحسن والمال الطيب فعليك أن تدعوه بأن يوفقك لأحسن الأخلاق وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي également le fait d'invoquer Allah comme le prophète صلى الله عليه وسلم le faisait invoquer Allah pour que qu'il te donne t'octroie hakala on dit hein, un bon comportement wa kana min du'aihi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ihdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi' al-akhlaq wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa ant. Ces deux hadiths là ils sont présents dans Sahih al-Jami'. Sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah qui lui donne un bon comportement. Et il n'y a qu'Allah qui peut guider une personne à ce comportement-là. On pourrait encore parler plus sur ce sujet-là. Barakallahu fikum. Mais ça demande plus de temps. Et dans cet entretien téléphonique, comme on l'a cité, juste en guise de rappel pour ma personne et pour vous. Mes frères, barakallah fikoum. Comme vous le savez, les bonnes mœurs, elles font partie de l'islam. Mais également, il ne faut pas limiter la religion au bon comportement et délaisser les piliers et les obligations. Certaines personnes ils disent que le bon comportement représente l'islam au complet. Alors que ceci est faux. Les savants de la sunna, ils disent qu'il n'est pas permis de résumer la religion à la question du comportement uniquement. Chacun d'entre nous, il doit faire des efforts sur sa personne en essayant d'avoir un bon comportement avec ses frères et en appelant à la fraternité. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement. Et certains compagnons, ils sont rentrés dans l'islam par la cause, avec la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son comportement, par la cause de son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement, bifadlillah thumma bikhuluqih, beaucoup d'entre les compagnons sont rentrés dans l'islam. C'est pour ça que vous-même, dans le pays où vous résidez, dans la ville où vous résidez, juste le fait de suivre l'islam et la sunna, et que vous ayez un bon comportement, beaucoup de gens peuvent rentrer dans la religion, Annie, avec ça, avec le bon comportement. Juste le fait d'avoir un bon comportement, d'aider son prochain. Ça, c'est une chose qu'on doit pas négliger, qui est très importante, qui est une grande récompense au fait qu'une personne elle rentre dans l'islam par ta cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Law yahdi Allah bika rajulun wahid, خير لك من حمر النعم. Peut-être qu'Allah guide par ta cause une personne est meilleure pour toi que d'avoir des chamelles rouges. C'est une chose qui est très recherchée jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui m'est venu à la tête pour vous parler maintenant de ce thème-là, ce sujet-là qui est très important, comme on le dit et comme on ne cesse de le redire, qui se rapporte à l'importance du bon comportement, à la fraternité dans l'islam. On a cité quelques versets, quelques ahadiths comme rappel pour qu'on puisse appliquer ces versets, ces hadiths. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. أشكركم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Et vous m'excuserez des manquements يعني qu'il y a dans mes paroles. بارك الله فيكم. إن شاء الله نسيرا d'avoir un entretien tous ensemble prochainement, bi'idhnillahi ta'ala, où on pourra parler par exemple de ce sujet-là ou d'autres sujets plus en détail. Bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah. Abdelkarim, barakallahu fik, ahsanallahu alayk. Iyak. Jazakallahu khairan. Inch'Allah. Et puis bi'idhnillah, si tu es disponible, on recommencera à l'occasion avec les mêmes rappels, bi'inch'Allah. Bien, Allah, Jazakallah khair. Et passez salam à tous les frères qui sont présents. Et t'entends, Dieu. Et je demande à Allah qu'il vous affermisse tous sur le droit chemin. Et patientez, Wallah, et patientez avec la patience. Inch'Allah, beaucoup de portes s'ouvriront, Inch'Allah. Et d'être tous unis ensemble. Comme vous le savez, les ennemis de la religion, les ennemis de l'islam, ils essayent de nous diviser. Et même les gens de l'innovation, ils essayent de diviser les gens de la sunna. Enfin, le musulman, il est étranger dans cette vie. Et le musulman qui suit la sunna, il est étranger chez les musulmans. Celui qui s'accroche à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui applique le tawhid, qui appelle le tawhid Allah jalla wa ala, il doit patienter parce qu'il est attaqué de tous les côtés. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, barakallahu fikum, les problèmes ils ne cessent de se multiplier. Si on se divise, si chacun il reste de son côté, comment voulez-vous que la victoire et l'aide d'Allah puisse nous parvenir. Barakallahu fikum. Fakullu asir, idha sta'anta billah fahuwa yasir. Toute chose difficile, si tu te remis à Allah, deviendra facile. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher tous ensemble au câble d'Allah. On aurait pu citer le verset wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans sourate Ali Imran. Et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, au Coran et à la Sunna. Et ne vous divisez pas. Le fait de se diviser, c'est un châtiment. Le fait de s'unir tous ensemble dans une même croyance, dans une même voie, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que cette chose-là, c'est une chose qui est vaine et pas portée d'importance. Chacun d'entre nous recherche le bonheur dans cette vie. Mais est-ce qu'on fait les causes pour arriver à ce bonheur-là? Chacun, il faut qu'il se remette en question. Chacun d'entre nous doit se remettre en question. Jazakum Allah khairan, excusez-moi si j'ai parlé beaucoup. C'est tombé pile poil avec l'heure du Aïcha. Barakallahu fik. Wayak, wayak. Hayak Allah. Allah yahayak. Barakallahu fik. Passe le salam au savant. Bien Allah ta'ala. Hafidhak Allah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.